Oui, je sais qu'un tel amour n'existe pas sur cette terre. Du profond de son cœur, je sais qu'il m'aimera toujours. Il m'a libéré de toutes ces chaînes qui me tenaient enchaîné. Je veux l'adorer pour ce qu'il a fait, et je veux proclamer qu'il m'a libéré. Je suis libre et je veux le louer. Je suis libre, je suis libre, libre, libre. Dieu est bon et c'est pour lui que je vivre. Ma vie était comme un désert sans lui. Il est venu me secourir alors que je croyais perdu dans la vie. Faut pas s'en faire, moi je m'en fais. Et je veux le louer, je veux l'adorer. fera toujours de nous des rêveurs. We'll be right back. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple. Je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs, ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, basique, basique, simple, basique. Vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas les bases. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple, Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change, tu te fais baiser. Basique, à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple, les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique, 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple, tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique, si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple, toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique, simple, basique, basique, simple, basique, basique, simple, basique, basique, simple, basique. Je me mets mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage? J'ai pas des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey, j'ai chanté, donc c'est vrai. Je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tous les têtes, ta pétasse tournée tous les têtes. Ton bébé n'est qu'une pute, vous m'aimez, mais je m'aime plus. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Étoile dans les yeux, Shinobi, j'essaye de remplacer Johnny. Pourquoi t'as la tête qui grossit? T'as dû choper une trisomie. Miso, joue l'idiot, sous hypnose, oublie l'autre. J'ai ménagé tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Oh. Les types te trahissent, reviennent en full détente. Très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la déviance. Fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr, je suis méfiant, ça rajoute plaisante. Juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment. Rappelle-toi qui tu snobais quand tu montais. C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente. Prends pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots. Mon seul adversaire, c'est le chrono. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. J'suis mort, éteigne la GoPro. Noir, sale. Hey, hey, ce soir je me mets mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changer de visage? J'ai pas que des belles histoires, j'passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, c'est qu'une maison abîme. De mes péchés morts, mais sans décessor, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Genre pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer, manquer d'endorphine. Mon cœur veut s'arrêter, le sale est maritime, car la mer est niquée sans dogme et doctrine, croyance divine. Minimum, 0 euro pour beaucoup d'efforts, beaucoup de mots pour si peu de force, beaucoup de sissi, wow, la famille, on est là, on soutient, nique ta mère et crache sur tes morts. Beaucoup de lâches et de faux négro, déçu par mes proches, déçu par mes parents, déçu par mes idoles. J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Si peu de choses, tellement de causes et de conséquences, je ne vis que en plan séquence, sur même quand c'est dans ce cave comme un ambulance. Du cash mais sans plan financier. Du black ou un contrat indéterminé mais sans déterminant. J'l'enfonce comme un père de l'homme, habite mon père de lance. Terre l'amour sans intervenant par la pensée. Confiance et confidence sans. C'est écrit noir sur blanc que le blanc. C'est mieux que le noir car le noir il est bronze. Le racisme depuis Jésus blanchi. Pourtant chevelé nos pieds de bronze. Comme quand les écrits n'ont plus de sens. Ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit. Sol, je croise un mannequin dans la croisette. Dans sa chenille que je prends la causette. Comme un air de Juliette Odette. Dans les airs des coupures violettes. J'rave une salope un peu pareil s'il tenait. J'préfère quand elles ont plus de moulin que moi. On te tabasse toi et ta baby mama. Juste pour être sûr que tu feras pas ton Montana. Jamais nous refileront, sauf si ça parle en millions. De diamants nous brillons, de canons nous fuyons. De salons nous vivons, de femmes. Femmes noires. Ce soir je me mets mine, pourquoi je me fais si mal. J'ai fait des rêves bizarres, où tu changer, tu saches. J'ai pas que des belles histoires, j'passe plus dans les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey. We'll be right back. Dave in the mornings here? Good morning. It's hotter than a pistol out there. 119 degrees right now. Could get up to 129 today. Man, it's hot. You know, this heat can really drive you crazy. So if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head. Be careful and drive safely. Out-of-control vehicle for local portions of Route 666. Hey, the local state fair is having a big wave competition. If your big weighs more than 500 pounds,